toujours te voir tourner comme un vautour. Un tour et puis s'en va, sans mot dire chaque jour. Autour de moi tu cours, un tour et puis tu pars. Je vois tu fais tout pour attirer mon regard. Les facteurs, ils ne sont qu'une fois. Je n'aime pas les charmeurs, genre Rocky Balboa. Moi je préfère les beaux tueurs, comme ceux des opéras. Comme un ballon plein cœur, j'orchestre mon combat. Où tu es loin. Si je suis l'as de pique, tu es mon roi de cœur. Un combat sans merci s'attaque à moi, j'ai peur. Si tu voles mon esprit, je perds ma pesanteur.